Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, c'est tous les troisièmes lundis du mois, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on est aujourd'hui avec Georges qui revient du Mexique, qui passe un bon bout de temps en général dans ce pays, qui souvent nous envoie des jolis textes pour nous raconter ce qu'il y vit, ce qu'il rencontre, les luttes qu'il approche, qu'il analyse un petit peu aussi. Il écrit très bien et donc on est très... aussi, on peut le dire, Georges, t'écris bien, on a plaisir à lire tes récits. Et donc là, justement, on lui a proposé de venir pour nous raconter ce qu'il a vécu dernièrement au Mexique, puisqu'il y avait le festival des résistances et des rébellions contre le capitalisme, organisé du 22 décembre au 3 janvier. Donc, c'était organisé pas seulement par les apatistes, mais aussi par le Congrès national indigène. Et donc, c'était la proposition, comme ceux qui nous suivent ou ceux qui ne nous suivent pas. Donc, les apatistes sont des gens déjà soulevés depuis 21 ans, puisqu'on a fêté le 21e anniversaire le 1er janvier 2015. Ils sont soulevés donc le 1er janvier 1994 pour proposer que les gens s'organisent et luttent contre le capitalisme en sachant que le socialisme n'était plus l'alternative, il fallait pouvoir inventer. Donc ils tentent d'inventer, ils proposent souvent des choses et donc là il y a eu une proposition faite avec le Congrès national indigène donc qui regroupe différents peuples de tout le Mexique. Et donc ce festival a été organisé dans plusieurs états du Mexique. Et donc, Georges va nous raconter un petit peu ce qui a été fait. Il y avait des rencontres simultanées, donc dans certains endroits, on ne pouvait pas assister à tout. Donc, il nous parlera de ce qu'il a envie. Et ensuite, on vous passera aussi des petits contes apatistes et on continuera à parler de l'actualité, d'annoncer toutes les choses à suivre prochainement. Donc voilà, on commence, on va toujours par un petit morceau de musique pour bien se mettre à l'aise et on commencera tout de suite après. Musique. Y la otra cara chica. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc on continue, on est au Mexique, fin de l'année 2014. Georges était là-bas et donc tu vas nous parler de ce festival des résistances et des rébellions contre le capitalisme organisé donc par le Congrès national indigène et les apatistes. Donc. Oui, on peut revenir un peu en arrière légèrement. C'est en août 2014 que les apatistes se sont réunis avec le congrès, les gens du Congrès national indigène, c'est-à-dire beaucoup d'indigènes, de peuples indiens qui finalement se ressentent comme zapatistes, se voient comme zapatistes, et ça s'est passé en août à la Realidad. Et de là, ils ont décidé effectivement de faire un festival des rébellions et des résistances. Ce festival devait justement être un lieu, un moment de rencontre entre la société, disons la société mexicaine, la société internationale, et aussi les gens en résistance, les peuples indiens. Donc il y avait plusieurs lieux qui étaient prévus de ces rencontres. C'était un festival qui, en quelque sorte, allait parcourir le Mexique et connaître d'une manière concrète des lieux de résistance. Donc il y avait Xochihuahuatl, qui se trouve, c'était là que commençait le festival. Ça se trouve un peu au nord de la capitale, au nord de Mexico, du côté de Toluca, où il y a effectivement une forte résistance des peuples qui sont des peuples otomis, ou ñañu, et se disent ñañu, qui parlent la langue ñañu, d'ailleurs qui est encore une langue bien vivante de ce côté, et qui résistent contre un projet d'autoroute, autopista, qui doit passer sur leur territoire, et en particulier c'est un territoire boisé, il y a une forêt importante qu'ils ont conservée, qu'ils entendent conserver. Et ce projet d'autoroute est véritablement un projet destructeur de leur forêt. Ils s'y opposent. Ils ont eu la justice de leur côté, qui leur a reconnu les droits de ce territoire et donc l'interdiction de cette autoroute. Mais malgré ça, la compagnie continue à travailler et est étrangement protégée par la police de l'État. Donc, ils ont tenté de résister. Ils ont eu des gens qui ont été prisonniers de leur part. Et pour l'instant, bon, ils continuent quand même à résister contre cette entreprise de destruction de leur milieu. Donc, le festival a commencé ici. C'est un lieu aussi assez difficile, assez dur, parce que ce peuple otomi est entouré de métis, de villes, de villages, de lieux métis, extrêmement assez réactionnaires, difficiles, puisque un des leurs, en revenant justement de la Realidad, non pas au moment de la réunion, mais avant, au moment de la mort de Galeano, qui avait été assassiné à la Realidad, un zapatiste qui avait été assassiné, à son retour, il a été tué. Il a été tué sur la route de son retour, il s'appelait David. Et donc, voilà. Et donc, c'est un lieu, c'était assez tendu, malgré tout, parce qu'on pouvait sentir, effectivement, qu'il voulait protéger cette rencontre, et qu'elle se faisait dans un lieu hostile, en quelque sorte. Sauf le village, effectivement, qui est leur village, qui est leur lieu, mais qu'ils entendaient justement de protéger, de préserver de ce qui se passait autour, parce que c'est des priestes qui sont là et c'est un milieu difficile. Donc ça a débuté ici, ça a débuté le festival par des rencontres à ce niveau-là. L'intérêt de ce genre de festival, ça va ? Ouais. L'intérêt, c'est justement de se rencontrer. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où on se retrouve, où des gens se retrouvent, que ce soit au niveau international, parce que on pourrait dire que quand même, ce qu'il y a de bien dans ce, de ce côté de ce mouvement zapatiste, c'est qu'ils ont quand même réussi, à travers les solidarités qui se sont exprimées à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau national du Mexique qu'au niveau international, à créer tout un réseau de gens qui se disent effectivement contre le monde capitaliste et qui, à travers la solidarité exprimée aux zapatistes, sur leur propre terrain, en quelque sorte, on peut dire, manifestent à la fois le refus, le rejet des destructeurs des projets capitalistes et tentent de trouver des alternatives de vie aussi. Donc il y a tout ce réseau qui est une manière, une forme d'international, on pourrait dire. Ouais, donc tant que les gens qui se réunissent souvent, ils ne sont pas seulement solidaires avec les apatistes, c'est aussi des gens qui sont en lutte et qui viennent se rencontrer. Voilà, pour, c'est ça. Oui, c'est ce que j'essaie de c'est ce que les apatistes font. Ouais. Oui. Et donc, c'est aussi l'intérêt de ces rencontres. C'est justement, c'est véritablement des rencontres. L'objectif, c'était justement de que chacun parle de leur lutte et qu'il explique le pourquoi, les causes et s'ils sont sortis victorieux ou non de cette opposition. Local, maintenant c'est des luttes qui s'expriment essentiellement au niveau des quartiers, au niveau d'un village, au niveau de différents endroits bien précis où les gens défendent leur environnement essentiellement, ils préservent leur milieu de vie là où ils habitent, de cette avancée destructeur de différentes initiatives dans le domaine des entreprises, du capital, etc., et de l'argent. Et en dehors de ça, c'était là, en dehors de ce plaisir de se retrouver, de se rencontrer, de parler de ce qui pouvait se faire à droite et à gauche, chacun, la tribune, pouvait effectivement parler de ses luttes, etc. Donc, il y a eu Xochihuatla. Ensuite, l'autre lieu, c'était à Mitzingo. Amilcingo, donc, moi j'ai l'occasion, je parle effectivement de ce qui s'est passé dans ces endroits. Amilcingo, là, il lutte contre un projet assez aberrant. C'est l'idée de faire ce qui s'appelle, le projet intégral Morelos, ou un truc comme ça, parce qu'ils aiment bien le mot intégral, je ne sais pas exactement pourquoi, mais là, ça serait plutôt une destruction intégrale dont il s'agit, puisqu'il s'agit d'alimenter une centrale thermique qui fonctionnerait au gaz, par le gaz justement. Et ce gaz partirait de Tlaxcala et longerait tout le Popocatépetl. Le Popocatépetl, c'est un volcan qui domine Mexico, c'est un volcan qui est toujours en activité. Il passerait même dans des zones jugées à risque, voilà exactement, c'est le mot que je cherchais. Et jusqu'à Almitzingo, qui, là, où on construirait une centrale thermique, etc., qui fonctionnerait justement avec ce gaz. Donc c'est un projet complètement fou. Les gens, le long du parcours, qui se trouvent justement sur les flancs du Popocatépetl, s'opposent à ce projet. Et Almitzingo aussi, ce sont des peuples nahuals, de ce côté, de l'ordre nahual. Et aussi, effectivement, rejette cette idée, ce projet. Bon, comme il faut s'y attendre, effectivement, ils ont contre eux toutes les forces de l'État, et les forces non seulement de l'État fédéral, mais aussi de l'État de Morelos, de Puebla et de Tlaxcala. Il y a déjà deux personnes qui sont prisonnières, qui sont en prison parce qu'elles défendaient ce projet, mais là aussi c'est un déni de justice parce que une d'elles c'est une femme d'ailleurs assez âgée qui est la représentante ou le président, la présidente ou le représentante, je sais pas comment, de l'assemblée communautaire de son village, et elle est accusée d'avoir dérobé un portable à un employé, justement, qui était venu, un ingénieur qui était venu, effectivement, pour afin bon pour faire les plans, projet, voilà, pour ce projet. Et donc, et c'est un crime fédéral, c'est-à-dire dans ce sens-là, il peut pas sortir de prison sous caution. L'autre, c'est un des leaders de l'opposition, est en prison parce qu'il était venu pour demander pourquoi on l'avait arrêté. Du coup, on lui est aussi accusé du vol d'un portable. Complice. Donc, voilà. Mais là, Almir Singo, bon, on a senti moins de tension. Enfin, moi, j'ai senti moins de tension que... Tu veux dire vécu par les gens. Vécu par les gens, ils se sentent plus en sécurité que ceux de Tochihuatla. Et c'était sympa, c'était vraiment sympa, la rencontre avec eux. Bon, il y avait quelque chose qui se passait, quoi, qui était... Bon, c'est assez subtil, quoi, c'est... Tout le monde était là, quoi. Aussi bien les femmes du village qui faisaient la cuisine, etc. Bon. Mais bon, c'était une manière d'être, de discuter avec les gens, etc., qui était assez proche. Et bon, on se sentait bien, quoi. Bien reçu, bon, reçu avec une chaleur. Mais du coup, c'est des grands villages, en fait. C'est 1000 personnes. Almir Singo, c'est un village assez conséquent. Je pense plus conséquent que celui de Xochihuatla. Mais le nombre de personnes, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Il y avait une radio communautaire qui, finalement, a fonctionné pendant tout ce temps, recevant justement les gens qui se trouvaient là, aussi bien côté mexicain, côté des luttes au niveau du Mexique, que les gens au niveau national et international. Et... Bon, voilà, c'était quelque chose de plaisant. Et voilà, où là aussi, pendant quelques jours, chacun a pu prendre le micro et parler de ces luttes. On a parlé de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, là-bas. Avec les gens de Notre-Dame-des-Landes qui étaient présents aussi. Les gens qui étaient présents, on parlait effectivement de leur lutte. Voilà, etc. Il y avait les gens de Longomai aussi, mais peut-être qu'ils n'ont pas parlé. Longomai était là, oui, effectivement. Oui, ils ont aussi parlé de leur projet de Longomai, qu'est-ce que c'était, etc. Et de la radio. Ils ont été invités aussi à la radio de la communauté, où ils ont pu aussi développer un échange. Radio Zinzine, donc. Oui, ouais. Un échange au niveau même des radios. Je pense qu'ils ont été interviewés de Longomai, de la radio Zinzin à la radio Zinzine. C'est vrai qu'on ne sait pas, on ne voit pas pourquoi d'ailleurs on dirait Zinzine. Hein. Il n'y a pas de E à la fin, ça s'écrit Zinzin, c'est vrai. Un E à la fin. Ah bon, t'es sûr? Voilà. Ah ouais, bon, bah, tu vois. Ah ben bon. Voilà, je suis... Bah non, mais on rigole, Zinzin, Zinzine. Almir Singo, d'ailleurs, bon, c'est une tradition. Almir Singo, ça fait déjà longtemps que c'est un village quand même qui ne se laisse pas faire, qui est assez jaloux de son autonomie et de ce qu'ils sont, de défendre leur territoire, etc. Et ça se trouve dans la région de pas loin de Cuernavaca, dans la région de Morelos. Et donc, ils ont une tradition de lutte et qu'il perpétue. Là aussi, bon, vous avez peut-être entendu parler des problèmes avec les écoles normales rurales au Mexique. Il y a une école normale rurale féminine dans le village. Donc, il y a... Bon, voilà, c'était bon, quelque chose à la fois qui était relativement tranquille, quoi, mais aussi, on sent les gens assez déterminés à résister d'une force tranquille, on pourrait dire. C'est une force qui puise, en fin de compte, ses racines, sa volonté, sa détermination dans une mémoire, dans un passé. Et donc là, c'est un village qui est métis ou c'est vraiment... Nahuatl. Ouais, je pense qu'il parle nahuatl. Mais bon, c'est difficile de distinguer exactement. Oui, bien sûr. Puis c'est pas très grave non plus, d'ailleurs, mais bon... C'est quand on parle des fois de racisme ou de... ça existe encore un petit peu. On va faire une petite pause musicale et on continue avec les autres rencontres que tu as pu faire. Et on te posera encore une question. FPP 106.3, donc on continue la jungle des luttes comme tous les troisièmes lundis du mois, programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc 21e anniversaire des Apatistes, on avait surtout envie de profiter de la dernière initiative, donc du Festival des Résistances et des Rébellions contre le capitalisme, pour toujours parler un petit peu des apatistes et de tout ce qu'il y a autour au Mexique, puisqu'on a souvent dit qu'il y avait plein de luttes au Mexique, et précisément ce festival, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer ces luttes sur le lieu même de leur lieu de vie de lutte. Et donc il y a Georges qui était présent et qui a commencé à nous raconter le début de ces rencontres, et on va continuer. Merci. Oui, il y avait un troisième lieu qui se trouvait à Campeche. Moi, je ne suis pas allé parce que ça faisait loin comme trajet. Mais entre-temps, il y avait une sorte de rencontre dans le DFE, Etzapalapa, un quartier là-bas de DFE, de la capitale du Mexique. Mais c'était plus des rencontres tout à fait informelles, genre kermesse, genre musique, etc., plutôt que réellement des débats, quoi. C'était plus une rencontre festive. C'était un peu dans cet esprit qu'ils voulaient faire cette rencontre dans le DFE, avec voilà, avec beaucoup de musique. Et sinon, ensuite, donc, le Campeche, je ne suis pas allé, mais j'ai bien fait d'ailleurs, parce que c'était quand même plus de 20 heures de route, transport, bah, de oui. transport jusque là-bas. Et ensuite, de là-bas à Oventic, c'était encore 20 heures ou plus de 20 heures de route. Donc, c'était assez pénible. Et quand j'ai revu, disons, mes collègues, entre guillemets, là-bas à Oventic. Ils étaient arrivés rincés. Ils étaient un peu fatigués, quoi. Mais bon, il semblait quand même avoir tenu le coup. C'est comme quoi, finalement, c'est des rencontres qui dynamisent quand même les gens, qui leur remontent leur moral, qui leur donnent un coup de fouet. Et voilà, donc à Oventic, c'était l'anniversaire du soulèvement. Donc Oventic, c'est le Chiapas, c'est l'un des lieux, l'un des cinq caracoles zapatistes, donc l'un des lieux où il y a un gouvernement autonome, puisqu'il y a cinq gouvernements autonomes dans la zone zapatiste, dont l'un des lieux est à Oventic. Voilà, c'était l'anniversaire. Et chaque année à Oventic, le 31 au soir, il y a la commémoration de l'insurrection zapatiste de 1994. Donc là, ça se joignait, voilà, c'était l'occasion. Mm-hmm. Voilà, avec en particulier un discours du sous-commandanté Moïse. Et bon, qui a pu parler des luttes au Mexique, qui a pu parler aussi de la situation au Mexique. Il faut dire aussi qu'ils avaient invité les parents des jeunes qui ont été tués et assassinés à Ayotzinapa. Donc les étudiants du Guerrero, dont on a déjà parlé ici sur notre programme, donc des gens qui ont disparu, qui ont été enlevés ou assassinés. En tous les cas, il n'y a aucune trace d'eux. Et donc, il y a une lutte déjà depuis le fin septembre, puisque les événements sont arrivés le 26 septembre. Oui, le 26-27 septembre, oui. Et qu'effectivement, finalement, je pense que c'est grâce justement à la détermination des parents, de ces jeunes, des jeunes de l'école normale rurale, qui ce sont des écoles normales qui ont été fondées sous Lázaro Cárdenas, il y a déjà donc pas mal de temps, et qui avaient pour but d'ouvrir le métier d'éducateur, d'instituteur ou de maître d'école aux jeunes. Mais aux jeunes, paysans, aux jeunes ruraux, ouais. Aux jeunes paysans, pauvres, disons, ou humbles, humildes. Et donc, mais ces écoles ont été, pendant la majeure partie de leur temps, des foyers quand même de critiques, des foyers insurrectionnels, très, très importants, très forts de la part des jeunes. Il y a eu pas mal de... Voilà, on pourrait dire presque, il donnait une formation politique, révolutionnaire, de gauche ou autre. Et l'État est déterminé à en finir avec ces écoles rurales. Et donc, et parce qu'à la fois, il perçoit comme des foyers de résistance, de lutte, de critique sociale extrêmement forte, importante. Et aussi, bon, former des instituteurs qui allaient ensuite travailler dans les villages, dans les communes, et qui allaient être, bon, sachant des que éléments Guerrero, de réflexion, ouais, d'éveil. Et donc, l'idée de l'État est de les supprimer petit à petit. Et ensuite, ça se passait vers le 2 octobre, et le 2 octobre, c'est quand même un anniversaire important pour les jeunes et les moins jeunes, c'était le massacre de Tlatelolco, où en 68, des jeunes qui s'étaient éveillés, insurgés contre l'État, ont été massacrés, assassinés par l'armée, et d'autres emprisonnés, torturés. C'était un moment important. Et ce 2 octobre, et tous les ans, il y a effectivement un anniversaire de ce 2 octobre. Et je pense que cette année, l'État, au plus haut lieu, avait décidé d'arrêter ces jeunes, une répression assez dure qui se préparait. Et donc ces jeunes de Ayotzinapa étaient connus pour justement leur côté rebelle, tout ça. Et je pense qu'ils avaient décidé à mettre fin à ces rébellions. Déjà, il y a, en 2011, deux de ces jeunes qui justement manifestaient aux abords de l'autoroute ont été tués délibérément. Et je pense que l'ordre a été donné au plus haut niveau de les arrêter, puis sans doute aussi de les supprimer, de façon à marquer, comme ça a eu lieu à Tlatelolco. Tlatelolco, c'était ça, c'était délibéré, on a assassiné, on a fait le coup de la terreur, plus d'une centaine de morts, de façon à arrêter un mouvement qui se développait, un mouvement d'insurrection sociale qui se développait. Et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe actuellement au Mexique, où les jeunes sont la cible de beaucoup de calomnies, beaucoup de critiques et d'une répression féroce de la part de l'ensemble des partis politiques. En particulier, dans la capitale, vous avez dû avoir les échos, plusieurs fois, de jeunes emprisonnés pour rien, de conduite jusqu'à plus de 5 ans de prison, etc. Et d'une répression sanglante avec des victimes, des morts, etc. Très dur. L'idée était, je pense, de marquer le coup vis-à-vis des jeunes, c'est de semer la terreur, quoi, tout simplement. De faire en sorte que d'arrêter, de stopper ce mouvement qui pour le pouvoir représente un danger réel actuellement au Mexique, où finalement ce qu'ils appellent des réformes, c'est-à-dire une offensive du capital sans précédent et qui mettent les gens à genoux. Et l'avant-garde de l'insurrection, c'est comme toujours, ce sont les jeunes, quoi, finalement. Ce sont les jeunes qui se révoltent les premiers, qui se rebellent et qui ont finalement le courage de mener une insurrection. Je dis ça, et je pense que c'est la réaction des parents qui ont été à la hauteur de leurs enfants qui a fait que ça a donné un écho non seulement national mais international à ce crime d'État, à cette terreur d'État. Et c'est leur détermination, et c'est en continuant leur détermination, qui fait qu'ils, petit à petit, ils poussent l'État dans ses derniers retranchements. Parce que maintenant, ce qui est montré du doigt, c'est véritablement le rôle de l'armée là-dedans. Oui, parce qu'au début, on a déjà cherché pendant très longtemps le maire et sa femme qui avaient été dénoncés comme les premiers à donner l'ordre d'attaquer ces jeunes. Et puis, on est en train de remonter justement jusqu'au militaire, donc au pouvoir fédéral, petit à petit. Voilà. C'est grâce justement à cette détermination des parents, cette volonté. Ce sont des gens humbles, c'est des gens qui ne sont pas du tout fortunés et qui finalement se sont décidés d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'en laisser compter par rapport à l'État qui a cherché par tous les moyens, en quelque sorte, qui a continuellement menti pour essayer d'éviter justement de se retrouver comme ça au pied du mur. En particulier au sujet, finalement, on a dit que c'était les narcos qui auraient brûlé les corps, etc. Mais il est démontré, c'est un expert de l'université du Mexique, il a démontré que c'était pas possible, qu'il y aurait eu, il aurait été nécessaire de, comme 900 pneus, par exemple, c'était une montagne de pneus pour brûler les corps, et qu'il aurait resté sur le sol toute l'acier qu'il y a à l'intérieur des pneus, comme il y aurait une montagne d'arbres, c'était du bois, etc. Donc c'est pas possible. Donc le procureur général a menti pour arrêter les frais, pour que les gens ne poussent pas plus loin. Il a même été jusqu'à pousser dans l'horreur, de façon à ce que les parents, à ce que les mères soit en quelque sorte tellement choquée qu'elle pourrait pas pu aller plus avant. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire, et c'est mensonge. De l'État montre jusqu'à quel point il est impliqué dans cette affaire-là, au plus haut niveau, au niveau du président de la République et de l'armée. Quelque temps avant, il y avait un scandale en juin qui s'était passé, c'est Tlatlaya, où l'armée a délibérément tué 20 jeunes, plus une vingtaine de jeunes, de entre 16 et 22 ans, des vraiment jeunes, et une fille de 15 ans. Et ce crime de l'armée a été révélé par un témoin qui n'a même pas osé, et avait juste raison, le révéler au Mexique, mais ça a été révélé par un magazine des États-Unis. Qui demande, qui réclame et des comptes. Et effectivement, petit à petit, on s'aperçoit effectivement que l'armée avait tué, assassiné délibérément des jeunes des armées. Et donc, moi, mon sens, joue un rôle important. Voilà, donc, les apatistes avaient été... ont soutenu, non seulement ils les ont parents, un peu comme été les invités d'honneur de ce festival, en fait, non, ouais. On leur a quand même ouvert. Et non seulement bon, les parents de ces jeunes d'Ayotzinapa avaient rencontré les apatistes quelque temps avant, et les apatistes les avaient invités comme invités d'honneur, en quelque sorte, à ce festival, où ils ont témoigné à la fois de leur chagrin, terrible chagrin, qui les envahit, mais aussi de leur détermination. Quoi. Et donc là, du coup, il y avait quand on dit les parents, il y avait quelques parents où ils étaient en masse quand même plus. Important, je ne peux pas dire le nombre, ils n'étaient pas tous, parce qu'ils ont presque le nom d'ambiguïté. On les retrouve au Chiapas, ils manifestent dans le Guerrero, à Chipacingo, on les retrouve à manifester sur la. D'autant qu'ils ont été réprimés, en fait, parce que... À Mexico, etc. Ils sont en plus réprimés, enfin... Partout, quoi. Ils se séparent, ils se divisent. Ils sont réprimés. C'est-à-dire que leurs manifestations pour retrouver leurs enfants, en fait, elles sont réprimées sauvagement. Il y a eu des blessés, il me semble. Il y a eu des blessés dernièrement. Oui. Dernièrement, là, à l'affrontement, quand ils ont voulu rentrer dans une caserne du 27e bataillon militaire là, de Iguala... Pour justement aller chercher leurs enfants, en se disant, bon, il y a un moment, ils sont où nos enfants ? Ouvrez-nous les portes du cartel. Vous, les militaires, vous étiez là. Vous n'avez pas bougé, soi-disant pas bougé, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui ont... Donc là, du coup... Là, ils ont bougé pour leur taper dessus. Voilà. Il y a eu un affrontement dur, oui. Et donc là, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une caravane, non ? De Ayotzinapa, non ? Mais ils manifestent tout le temps. Hein. Une caravane de solidarité, je veux dire, du coup, qui a été organisée pour arriver et soutenir justement après cette attaque qu'il y a eu, enfin cette manifestation qui a été réprimée il y a 3-4 jours. Enfin, c'était assez récent. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y avait une caravane qui partait pour justement manifester sa solidarité. Ouais. Son indignation. Et puis je crois que des délégués des parents vont venir en Europe pour en parler. Et ça serait important que les gens suivent ça et puis qu'ils aient un moyen de parler ici, en Europe, qu'ils fassent un grand tour. Oui, il y a peut-être l'idée que les parents viennent en Europe. Je crois que ça serait bien, finalement, parce qu'il y a quand même... Ça a été l'une des choses qui a été un peu médiatisée justement en France, puisqu'on parle très peu du Mexique en général, de tout ce qui s'y passe et il s'en passe. Mais par contre, ça a été un peu suivi. On n'a pas vraiment de grandes informations, mais du coup, les gens savent qu'il y a cette chose qui existe quand tâche le Mexique. Ça a été assez rendu visible. Voilà, c'est ça, oui. Et je pense que ça serait bien, finalement, qu'ils manifestent soit face finalement aux chambres... des députés ou du Sénat, bon, que ce soit en France ou ailleurs, et de dénoncer justement cette complicité qui existe entre les États. Et on se demande qui sont les États voyous là, dans cette histoire. Hein. Parce que bon, le Mexique, bon, il apparaît bien comme un État voyou, extrêmement corrompu avec le narcotrafiquant. Et tous les États... de l'Europe, de la France en particulier, etc., qui traitent avec eux. je pense qu'ils traitent véritablement avec des États voyous. Connaissance de cause, ouais. Et qui n'ont pas peur, justement, de participer à cette guerre que mène l'État du Mexique contre sa population. Oui, de toute façon, on l'a déjà dit, mais on peut toujours le répéter, il y a quand même des relations très étroites, seulement commerciales. Et pas seulement diplomatique non plus. Il y a des collaborations dans la police, dans les... De la gendarmerie, par exemple, la mise au pied d'une gendarmerie au Mexique, puisque la gendarmerie, effectivement, fait l'envie de tous les États totalitaires, notre gendarmerie. Et donc, d'avoir l'armée comme ça, pénétrant au cœur de la population et la contrôlant, c'est le rêve de n'importe quel État totalitaire. Et donc le Mexique, effectivement, et l'État français sont complices dans la formation de la gendarmerie mexicaine. Cette gendarmerie mexicaine, d'ailleurs, qui sera surtout au service non seulement des riches, disons, de ceux qui ont le capital, mais et donc au service des narcotrafiquants. Et déjà, bon, dans le Michoacán, où ils ont créé justement cette fameuse gendarmerie pour justement suppléer à une autodéfense des populations contre les enlèvements, ce qu'ils appellent la délinquance organisée, elle est déjà en grande partie au service des narcos, parce que faut se dire que ceux qui s'emparent... moi, je vois les cartels, les narcotrafiquants, comme la pointe avancée du capitalisme, en fin de compte. Et dans des États comme le Michoacán, le Nord, qui sont finalement des États où le capitalisme est bien avancé, a bien gangréné l'État, ils s'emparent justement de l'économie capitaliste. C'est ça qui fait la richesse des narcos, plus que finalement le... C'est autant que la vente de l'amapola ou la marijuana. Donc s'il y a cette avancée, on pourrait dire la main dans la main du capitalisme sauvage. On voit les narcotrafiquants comme l'expression du capitalisme sauvage et du capitalisme officiel, si l'on veut. Si l'on voit les multinationales minières ou autres, comme le capitalisme officiel. On les voit bien s'avancer vraiment la main dans la main pour justement détruire toute vie sociale quelque peu digne de ce nom, quoi. Et ça, c'est la tragédie que connaît le Mexique actuellement. Il connaît une tragédie parce que la grande majorité des populations, au moins les populations pauvres, les populations qui connaissent encore un savoir-vivre, qui ont encore une mémoire, on peut dire, du passé, une mémoire des ancêtres, qui résistent encore à cette destruction, cette décomposition sociale qui s'avance rapidement là-bas au Mexique. Et donc là-dedans, les apatismes proposent, ceux qui sont conscients de cette... dégradation propose quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils sont reconnus par beaucoup, par tous ceux qui luttent, qui résistent à cette avancée du capital, qu'ils soient reconnus comme chez nous ou qu'ils soient plus sauvages. Mais c'est quand même un peu le propre des marchands capitalistes de se trouver hors de la loi, hors de la règle qui gouverne une vie sociale, quoi. Il faut qu'on fasse une petite pause musicale. Musique. Thank you. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, on continue notre programme sur ce festival des résistances et des rébellions contre le capitalisme organisé du 21 décembre au 3 janvier au Mexique. Et donc, où tout le monde était invité, enfin, surtout des gens en bas et à gauche, bien évidemment. Et donc on continue. On va conclure un petit peu chacun avec ses petites paroles. Anne-Marie, t'avais oui, envie de... Oui, moi, je voulais juste rebondir sur le fait que, oui, c'est un festival des résistances. Et ce que nous racontait Georges, ça évoquait le fait qu'en fait, ils ont convoqué ce festival des gens qui luttent dans des endroits où il y avait des luttes concrètes sur le terrain et que ça s'est terminé au Chiapas. Et au Chiapas aussi, il y a des luttes. Est-ce que il y a des résistances parce qu'il y a aussi des attaques. Georges, qu'est-ce que tu en penses? Oui, au Chiapas, il y a toujours des attaques. Mais là, on était témoin, en quelque sorte, au moment où on était, de la résistance de Balcharón, des gens de Bacharonne qui sont des Tseltal, je pense, et qui essaient de conserver leur terre, Héridal. Et leur terre collective, donc, je dis Héridal oui, pour ceux qui ne savent pas, leur terre collective. Et parce que contre d'énormes projets touristiques. Et donc, ça se trouve dans la Pelagua Azul. Ce sont pas loin de Palenque. Des lieux très touristiques, en fait. Ils essaient de garder les terres héridales qui sont là, les terres collectives. Mais comme ce sont des terres extrêmement convoitées, ils ont un énorme projet touristique, en particulier avec des hôtels de grand luxe, un golf aussi, tout ça. Ils sont malmenés. Mais bon, ils sont très malmenés. Parce qu'ils ont finalement contre eux toutes les forces de l'État et qui veulent vraiment s'emparer de leur terrain. Ils ont des prisonniers, ils ont des gens qui ont été arrêtés, ils ont eu des morts aussi. Et donc là, ils avaient repris leur terrain, qui se trouve justement pas loin de l'entrée de la zone touristique. Ils avaient même, à un moment donné, ils avaient rétabli une sorte de guichetterie là, pour faire payer les gens. Ils avaient fait un essai de restaurant, de restauration, etc. Mais bon, ça leur a été repris. Et c'est comme ça. Là, 900 policiers sont intervenus pour mettre hors du terrain à peu près 300 comuneros qui se trouvaient là. Et donc, c'était au moment où se tenait les derniers jours de ce festival, aussi des six, qu'à la fois ils avaient récupéré leur terrain, et à la fois quelques jours après, la police allait de nouveau reprendre le terrain qu'ils avaient reconquis. Une caravane a été organisée par les gens. D'abord, une première fois, les gens qui ont participé justement à ce festival. Les avaient rencontrés, étaient allés sur les lieux. Puis, suite à l'intervention de la police, une autre caravane est partie de San Cristobal avec, je pense que vous allez avoir des échos de ça. Oui, c'était le 12, là, oui. Il y avait des gens qui étaient venus de plusieurs endroits. Qui sont témoins là, de cette réoccupation de ces terres communales par la police de l'État. C'est que voilà, c'est un exemple parmi d'autres, quoi. On veut s'emparer des terres héridales pour différentes raisons, mais qui sont sous différents prétextes. Que ce soit pour faire une mine à ciel ouvert, que ce soit pour faire un barrage, que ce soit pour faire de la monoculture, ou que ce soit pour faire un lieu touristique, un golf à je ne sais combien de trous, mais qui finalement apporteront beaucoup de pièces sonnantes dans les escarcelles, dans ces quilles, quoi. Mais surtout pas, mais on sait aussi qu'ils n'apporteront rien, tout au contraire, au peuple qui vit ici, quoi. Et voilà, et ça c'est... Ça, c'est le Mexique actuel où il y a une offensive généralisée, tout azimut, contre les territoires des peuples qui ont su, d'ailleurs, qui en vivent, qui est leur lieu de vie, leur habitat. Une fois les territoires reconquis, une fois une mine à ciel ouvert, un barrage, c'est quelque chose de destructeur, quoi. Un barrage, ça va détruire les terres alluviales, ça noie le village. Il ne restera plus aux gens qu'à essayer de braver la police et les murs des frontières pour essayer d'aller travailler, de trouver un travail aux États-Unis, par exemple. Et c'est partout comme ça. Et c'est pour essayer vraiment, et ça, c'est une conscience aussi qu'il faudrait que l'on saisisse ici, de notre côté, c'est qu'en défendant leur territoire, en défendant leur terre, ils défendent une dignité, celle de ne pas avoir à travailler pour un patron ou à se battre pour travailler pour quelqu'un d'autre. Ils travaillent pour eux-mêmes et c'est eux-mêmes qui restent maîtres en quelque sorte, si possible, de leur vie. De leur vie qui n'est pas la vie d'un individu qui va pointer à son travail et qui se lève à 6 heures du matin et qui revient chez lui, mais la vie d'une collectivité, de gens qui vivent ensemble, qui décident de leur vie à travers l'Assemblée, en désignant des responsables, des décisions, qui prennent des décisions ensemble. C'est pas... Et ça, c'est une vie, quoi qu'il en soit, c'est une vie riche et qui me paraît digne d'un homme et d'une femme, quoi. Et qui, ils savent un peu ce qu'ils les attendent, quoi. Ils n'ont pas envie de sombrer dans cette misère sociale dans laquelle nous baignons, nous, de notre côté. Ben voilà, donc t'as vu, on reste sans vent, c'est ce qu'on a à faire, hein, tu vois. Il faut résister pour un petit peu plus de dignité, c'est ce qu'on essaye de faire chacun à notre niveau, enfin on espère, on s'invite tous à le faire, en tous les cas, à résister. Ben merci beaucoup Georges et Anne-Marie et Annette d'être venues. Merci de m'avoir invité. Ah ben non, mais là, c'était trop beau. T'es arrivée vraiment à point. C'était magnifique. Il n'y avait pas plus beau témoignage. On dirait que c'est toujours mieux. Et en plus, c'était encore tout frais. Donc, ben, merci beaucoup. Et puis, on va continuer. On va évidemment mettre une petite pause musicale et on continue. À tout de suite. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On continue sur la dernière demi-heure. Bon, bah, après le témoignage de Georges, on n'a pas beaucoup de choses à raconter de plus. Si ce n'est que on espère quand même avoir les retours des gens de Longo et de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'on serait quand même curieux d'avoir leur retour, vu que c'est pour la plupart la première fois qu'ils allaient rencontrer le Mexique et les luttes, et donc aussi le monde zapatiste et toutes les initiatives qui gravitent autour et qui sont riches. Et donc on espère qu'ils ont pu partager et profiter, qu'ils nous en parleront. Du coup, voilà, on va un petit peu décompresser de toutes ces infos et on va passer un petit conte zapatiste. Ça s'appelle l'histoire du commencement et de la fin, pour finalement continuer à comprendre un petit peu cet état d'esprit dans lequel les uns et les autres en avancent. On y va. Cela faisait déjà un bon moment que l'hier se faisait vieux et restait seul dans un recoin du monde. Cela faisait un moment que les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde, les premiers, s'étaient endormis. Ils s'étaient beaucoup fatigués à danser, à se faire chemins et questions. C'est pour cela que les premiers dieux s'étaient endormis. Ils avaient déjà parlé avec les hommes et les femmes véritables, et ils étaient arrivés tous à un accord pour dire qu'il fallait continuer d'avancer. Parce que le monde se vit en cheminant. C'est ce que dirent les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde les premiers. Jusqu'à quand allons-nous continuer à cheminer? Se demandèrent les hommes et les femmes faits de maïs. Quand donc commençons-nous? Se répondirent les hommes et les femmes véritables, parce que ils avaient appris des premiers dieux qu'à une question, on répond toujours par une question. Mais les premiers dieux se réveillèrent alors, parce que les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde, ne peuvent rester endormis quand ils entendent une question. Ils se réveillèrent donc et se mirent à jouer de la marimba. Et des questions, ils firent une chanson. Et ils dansèrent et chantèrent « Jusqu'à quand allons-nous continuer à cheminer? Quand donc commençons-nous ?» Et ils seraient restés toujours ainsi, à danser et à chanter, si les hommes et les femmes véritables, prenant leur courage à deux mains, ne leur avaient dit que « oui ». Il était bon de tant danser et chanter, mais qu'ils voulaient des réponses à leurs questions. Alors, les premiers dieux redevinrent sérieux et se dirent « Les hommes et les femmes que de maïs nous avons fait ont des questions. Ils ne sont pas bien savants, ces hommes et ces femmes que nous avons fait. Ils cherchent la réponse au dehors sans se rendre compte qu'elle est derrière et devant eux. Il n'y a pas beaucoup de sagesse chez ces hommes et ces femmes. Ils sont comme le tendre épi de maïs, dirent les premiers dieux. Et allez ! Ils se remirent à danser et à chanter. Et de nouveau, les hommes et les femmes véritables s'arment de courage. Ils disent que cela suffit de se moquer et demandent ce que peut bien signifier que la réponse est devant et derrière. Les premiers dieux leur disent que dans le dos et dans le regard se trouvent les réponses. Et les hommes et les femmes de maïs se regardent entre eux et tous savent qu'ils ne comprennent rien. Mais ils restent silencieux. Et les dieux les plus grands leur disent sur le dos, commencèrent les hommes et les femmes de maïs, car ils sont nés couchés, et comme de maïs ils sont, de la terre ils naquirent. Sur le dos, ils ont commencé à cheminer. Leur dos reste toujours en arrière de leur passage, de leur mobilité, de leur immobilité. Leur dos est le commencement et lierre de leurs pas. Et les hommes et les femmes véritables ne comprirent pas grand-chose à cela. Mais comme le commencement avait déjà commencé et que l'hier avait déjà passé, ils ne s'en préoccupèrent pas et se mirent à répéter « Jusqu'à quand allons-nous continuer à cheminer ?» C'est très facile à savoir, dirent les dieux, qui firent naître le monde. Lorsque votre regard pourra voir votre dos, il suffit de cheminer en cercle jusqu'à faire le tour de vos pas et à vous rattraper vous-même. Lorsque vous aurez cheminé assez pour parvenir à voir votre dos, même de loin, alors vous aurez fini, petit frère, petite sœur, dirent les premiers dieux, tandis qu'ils commençaient à s'endormir. Et la joie vint aux hommes et aux femmes véritables, car ils savaient enfin qu'il leur suffisait d'avancer en cercle pour parvenir à voir leur dos. Et ils passèrent un bon moment à cheminer ainsi pour atteindre leur dos. Puis, ils s'arrêtèrent en se demandant pourquoi ils n'en finissaient pas de cheminer et se dirent « C'est vraiment difficile d'atteindre le commencement pour parvenir à la fin. Nous n'en finissons pas de cheminer et c'est une grande douleur de nous demander quand nous arriverons au commencement pour achever nos pas. » Et certains et certaines se découragèrent et restèrent assis, fâchés, que le chemin vers le commencement pour arriver à la fin n'en finisse pas. Mais d'autres continuèrent à cheminer avec beaucoup de bonne volonté. Ils ne cessèrent de demander quand ils allaient arriver au commencement pour atteindre la fin et se mirent plutôt à penser au chemin qu'ils étaient en train de parcourir et, comme ils étaient circulaires, à chaque tour, ils voulaient qu'ils soient mieux faits, et à chaque tour qu'ils faisaient, leurs pas étaient meilleurs. Alors, ils furent contents parce que cheminer leur procurait un grand plaisir. Ils avancèrent ainsi un bon moment, et sans cesser d'avancer, ils se dirent « Ce chemin que nous sommes est une joie. » Cheminons pour le faire meilleur. Nous sommes le chemin pour que d'autres cheminent d'un endroit à l'autre. Pour tous, il y a un début et une fin au chemin. Mais pour le chemin, il n'y en a pas et pour nous non plus. Tout pour tous, rien pour nous. Nous sommes le chemin et nous devons continuer. » Et pour qu'ils n'oublient pas, ils dessinèrent un cercle sur la terre et avançant en cercle, les hommes et les femmes véritables cheminaient et cheminent le monde tout entier. Ils n'en finissent jamais avec leur lutte pour que le chemin soit meilleur, pour devenir eux-mêmes meilleurs. C'est pour cela qu'ensuite les hommes ont cru que le monde était rond, mais en fait, cette boule qu'est le monde n'est rien d'autre que la lutte et le chemin des hommes, des femmes véritables, cheminant toujours, désirant toujours que des pas qui cheminent naissent un meilleur chemin. Cheminant sans cesse, ils n'ont en leur chemin ni commencement, ni fin. Les hommes et les femmes véritables ne peuvent se fatiguer. Ils cherchent toujours à se rejoindre eux-mêmes, à se surprendre par derrière pour trouver le commencement et ainsi arriver à la fin de leur chemin. Mais ils ne vont pas le trouver, car ils le savent, et cela ne leur importe pas. La seule chose qui compte pour eux, c'est d'être un bon chemin, qui s'efforce toujours d'être meilleur. 106.3 Jungle des luttes, comité du solidarité avec les peuples du Chiapas sans lutte. suite. C'était un petit conte rebelle lu par... Nina Mishkina, rappeuse. On fait une petite pause musicale et on continuera avec un autre petit conte pour commencer l'année. Tout en douceur. C'est Hogre Section, Zabatista. Z-A-B-A. Exactement, mon cours va se tracima. Ok, معروفين مان من 2007. جالك سوء من لحوم الضبعة. باردو اميغو في الكرة الأرضية. وين تروح ديما معاك يا جمعية. معروفين في تونس لا ريبوبليك. مثقفون لكن ناس عليك. في راسي مربط حومة مكتر والتبلات. سمبولي مطاقي بالشرع والحوزات. باللي تحب شنعك ركاجات وديفوات. دابر سرات الاسبوع الوسط الكلاب. ولترا من طاليطا حتى لين نموت. 2009 تريبولي كراكينا في الحدود. يا سانتور راس كول ديما نحكر فيك. بحبة المنسح بالباراشوت ندير عليك. ولع ولع حومة سي لا فيستا. تعرفنا شكون اسبيرانسا سافاتيستا. سيامو سولو نوي سيامو تيروريستا. سيامو نوميرو اونو سوناليستا. ولع ولع حومة سي لا فيستا. تعرفنا شكون اسبيرانسا سافاتيستا. سيامو سولو نوي سيامو تيروريستا. سيامو نوميرو اونو سوناليستا. سحلي حاوتي شنيا راس مالك. أمور ترى ولا فيراج ديما مقطع حالك. بركة جاتي تيفوز سنون الجولة. حوز تتهم ميكو كي منهولة. ولترا من طالي طاحهم الأرطال. نعيش في الغابة نحكم بقانون الأدخال. صور يا الفنية أبعت للعدلية. جامي تشدني تبقى ديما تشجع ليا. اللعبة هوني اكمل انت تفسخ. ما على بالي بوالو من طالي تام كشخ. من الزبا والدربات صح سطار. من رجال في اللحوم يسيس لقبيطار. مخ مرز الحومة كامي برشا هواء. راسي مصنزن تحب الخلان هاني هاي. من عهد الليبون انت رشق مانيش كاقولي. يد واحدة الناس الكل عزي عبيد. ولع ولع حومة سي لا فيستا. تعرفنا شكون اسبيرانسا سافاتيستا. سيامو سولو نوي سيامو ديرو. راحوا ارجعوا للعالي. الله يرحمكم مدريس وسينيكالي. افيك ماكليك في الفيراج بلادي. الكل كاخواتي ليبرتا بير بغدادي. قدش من واحد ورا لحديد تلوح. الدايم ربي خويا الحي يروح. زاباتيست عمرها من ست عباد. تحب ولا تكره اقوى جروب في الصدمات. فاموس فاموس سافانتي صادمين. وين تروح يا جمعية معاك رايحين. كراكي يا ميغو ولع الفيراج. عمرك ما تنسحنا في تونس دي رجعنا لكراكاج. معروفين في البلاد السيلونيك. الفرق بيني وبينك دي ملحيط وانا عندي ستوريك. في خمسة سنين خلقنا دي فيرانس. عادي نضحي بحياتي على شيء الاسبيرانس. ولع ولع حومة سي لا فيستا. تعرفنا شكون اسبيرانسا سافاتيستا. سيامو سولو نوي سيامو تيروريستا. سيامو نوميرو اونو سوناليستا. ولع ولع حومة سي لا فيستا. تعرفنا شكون اسبيرانسا سافاتيستا. سيامو سولو نوي سيامو تيروريستا. سيامو نوميرو اونو سوناليستا. Thank you.

Il y avait une fois une petite fille très belle, juste comme moi, et qui s'appelait Tonita, tout comme moi. Et alors, il y avait un sous-commandant très méchant qui voulait lui couper la tête avec sa machette. Et pourquoi il voulait lui couper la tête ? Je tentais en vain de reprendre le contrôle de la situation. Allez savoir, je crois que ça lui est venu à l'idée comme ça. Et alors, bon, la petite fille s'est glissée en cachette dans la petite maison de ce sous-commandant. Et alors, elle a pris la machette de ce sous-commandant et l'a jetée dans les cabinets. C'est fini. Tonita dit ce « c'est fini » déjà bien hors de ma portée. Donc, je crois que je sais où est ma machette. Maintenant, il ne reste plus qu'à la récupérer. Il y a un ou une volontaire ? C'est fini ! FPP 106.3, la jungle des luttes. Et donc, vous avez reconnu, pour ceux qui le connaissent, l'air de Zorro El Zapato, la compagnie Ta mère en tongue. Donc, pour les petites infos, puisqu'on termine cette émission. Donc, voilà, tenez, si vous avez envie de vous intéresser à ce qui se passe au Mexique, vous avez toujours la possibilité de consulter le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org, de nous rejoindre aussi aux assemblées de 20h30 tous les mercredis au 33 rue des Vignoles, métro Avron. Donc c'est une assemblée ouverte, vous pouvez venir pour ou partager des informations ou prendre des informations et sur des luttes ici, là-bas. Voilà, c'est un peu l'objectif du comité, d'être un peu ouvert sur les différentes luttes, ce qui est un peu aussi les apathies, de créer des ponts entre les luttes et qu'elles se rencontrent et qu'elles échangent. Donc voilà, nous on est ouverts à toutes les propositions. S'il y a des gens qui veulent aussi profiter de cette émission de radio pour parler de luttes, même de petites luttes et tout. Et donc voilà, si vous voulez aussi concrètement penser qu'il y a peut-être des répressions encore et prochaines au niveau de des gens qui luttent pour retrouver les étudiants disparus dans le Guerrero. Il y a ceux à Batcharon, les apatistes, qui luttent pour maintenir leur terre, et tous les autres dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le FPP qu'on peut soutenir aussi samedi à la Parole Errante à Montreuil, où il y a concert et tout aussi. C'est Paris Lutte Info, en fait. Donc, pas seulement FPP, c'est Paris Lutte Info. Donc, grande soirée à la Parole Errante. Et le 18 janvier au CICP, il y a des concerts. CICP, c'est 21 Terre rue Voltaire dans le 11e. Et c'est le 18 janvier à partir d'17. C'est vrai ? Ah ben, je suis carrément folle, mais n'importe quoi. Tu vois, heureusement qu'il y a un micro entre... Ben, évidemment, c'était hier, donc je range mon papier. Donc, on commence bien l'année. Donc, en tous les cas... en tous les cas, on n'a pas oublié de parler du concert de samedi. Et donc voilà, tous les mercredis, si vous voulez nous retrouver, c'est le blog de la jungle des luttes, si vous voulez écouter d'autres émissions. Et donc le mercredi, notre rencontre, le site cspcl.ouvaton.org. Donc on vous laisse et on se retrouve le mois prochain, tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30. Merci Greg. Bye.